La délégation des cadres de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, conduite par Lee Zetsul, vice-président de sa commission centrale de contrôle, arrivée le 2 juillet à Pyongyang par vol, a déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées sur la colline Mansu, avant de formuler l'hommage.